un grand coup de la prison. On va jouer pour le départ de ce vieux Jim. La 40 ans qu'il est bouclé, crénom de nom. 40 ans qu'il est gardien, signe, signe, oh, quel rock. Oh, oh, oh, quel rock. Ça a bourbé, ça saute comme du champagne. Et rock, c'est rock, il bagne. Arthur attaque la trompette et donne le ton. Jimmy sur sa vieille clarinette fait des prouesses. Bob, le chouchou du directeur, est au piston. Sam, le banquier, fait sauter la caisse. Oh, quel rock. Oh, oh, quel rock. Ça va pas bouffer, ça saute comme du champagne. Et rock, c'est rock, il bagne. Go, les gars. Ouais, oui, ouais. On aura vu tout ça. Ça remue de partout, c'est formidable les gars. Jim s'en donne vraiment à cœur et joie. Car c'est demain qu'il nous quittera. Oh, quel rock. Oh, oh, quel rock. Ça a bouffé, ça saute comme du champagne. Et rock, c'est rock du bagne. Mais les gars, dans la grande cour de la prison, on va jouer pour le départ de ce vieux Jim. La 40 ans qu'il est bouclé, crénom de nom. 40 ans qu'il est gardien, signe, signe, quel rock.